come and loss. Come and rap. Come and loss. Come and rap. Come and loss. Come and rap. Come and loss. Come and rap. MC, tu veux tester? Rap game, tu veux tester? La caméra comme elle lance, tu veux tester. MC, tu veux tester. Rap game, tu veux tester. La caméra comme elle lance, tu veux tester. Certains MC se y chanteraient, mais qu'on peut vite que les balles. Mais leur avenir est damné. Et qu'on peut vite que les balles. Check, microphone check. Mais pourquoi dès que tu m'entends rapper, ton pote il check? T'as déjà entendu du rap mixé en République tchèque? Comera, Kamel Lance, vas-y signe mon chèque. Le rap français, on le fout des tartes et on s'échappe. T'as pas vu mes plaques, même sur le jaune y'a du black. Comera, des boubacs, y'aura du crack dans les bacs. Y'aura du shit dans les sacs, y'aura du bœuf dans les salles. Y'a que le vainqueur qui croit pas au hasard. Moi je dis si on est là, c'est pas par hasard. Parce que y'en a qui disent qu'on va faire un CD. Franchement ça fait trop plaisir depuis qu'on attendait. Regarde, le rap français il commence à trembler. Ils ont à peine vu notre logo sur Bouscapé. Ah bon, MC, tu veux m'apprendre à rapper? Tu connais pas Tony, chirurgien du rap français. MC, tu veux tester? Rap game, tu veux tester? La caméra comme elle lance, tu veux tester? MC, tu veux tester? Rap game, tu veux tester? La caméra comme elle lance, tu veux tester? Certains MC se y chanter, mais qu'on peut vite que les balles. Mais leur avenir est damné. Et qu'on peut vite que les balles. MC, fais-toi tout petit. C'est du rap hard, dédicace au Tounsi. Marocain sur le beat. Pourquoi cette tête, t'as mal au beat? J'arrive, fulgurant. Rôle principal, jamais figurant. Bon ice, trop attirant. Trop charmant, trop énervant. Tu me vois partout comme le drapeau algérien. Tu crois savoir rapper, mais toi t'es rien. T'es tout claqué, même les gars t'as rue t'ont plaqué. Tout le monde m'a remarqué, hip hop j'viens te braquer. La merde qui passe sur les ondes, tu choqué. Les mecs ne rappent plus, passent leur temps à suffoquer. Ça a changé, c'est pas ma faute, moi j'viens tout changer. La caméra Camelon, on vient vous venger. MC, tu veux tester? Rap game, tu veux tester? La caméra Camelon, tu veux tester? MC, tu veux tester? Rap game, tu veux tester? La caméra comme elle lance, tu veux tester? Certains MC se y chanter, mais qu'on peut vite que les balles. Mais leur avenir est damné. Et qu'on peut vite que les balles. Pour faire respecter leur danger. Qu'on peut vite que les balles. Les balles. De vrais gangsta bourrés deviennent des meufs devant nous. Attirés par moi ou ma con. Yeah. Quand le coup part, c'est nous. Bref. Le checker, c'est nous. Bref. Bouche cassée dans la marche. Arrêtez mon mytho. Casse-toi juste un doublé de 1 et 6. Que MOC et 6 sont tubes de ces salons. De vrais ponts. Yes, Renoir adapte le style qu'on a depuis des décennies. Ma ville en témoignera. Gascouille n'aime pas les flics, réplique souvent des vraies menaces. Pas de pro, c'est la dispo du rap game qui vous me menace. De mort, de formatage à tort, de Pompeii, California, Liminda, Linjebe. On y vit, on y meurt, les momies vivent et ils meurent. J'vous le dis, nous c'est pas comme vous, c'est le ghetto reality. As-tu bien vu qui s'en mêle? Ma MO clique, RAGL, D-O-N-Y accompagné de l'ancien Kamel. Si tu veux tester, rap game, tu veux tester? comme une lance, tu veux t'éteindre. Tic et prêt. MC, tu veux t'éteindre. Tic et prêt. Rap game, tu veux t'éteindre. La combira comme une lance, tu veux t'éteindre. Tic et prêt. Certains MC se lient chanter. Mais plus vite que les balles. Pour faire respecter leur danger. Plus vite que les balles. Pour croire des MC pour les calmer. Plus vite que les balles.